إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 3 dans l'explication de l'usul al-thalatha par le Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah. Et le Cheikh il dit, donc on est toujours dans le point, dans le troisième point, hein. Le Cheikh il dit فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَغْضَى وَالْعَدَاوَى لِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَمَوَدَّةُ الْمُؤْمِنِينَ ومحبتهم. Ensuite il dit وهكذا المؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم على الخير ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده أخذ منهم الجزية كولي الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس أخذ وأخذ الجزية منهم فيه عون فيه عون للمسلم وأخذ الجزية منهم فيه عون للمسلمين وحب ومحبة لهم. Le Cheikh il dit que c'est ainsi qu'il faut que le croyant aime les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il coopère avec eux dans le bien. Et également, il doit détester les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit s'opposer à eux pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in da'ahum, ainsi il les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien si il permet si un musulman permet que ces mouchriquins entrent dans son pays, alors il doit prendre de la jizya s'il est le dirigeant. Si c'est un président ou un dirigeant musulman, il doit prendre de ces gens-là la jizya. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la jizya des juifs et des chrétiens et des majous. Dans le fait de prendre la jizya, il y a une aide pour les musulmans. فيه عون للمسلمين لا محبة لهم أو لا محبة لهم. Le Cheikh il dit que on prend la jizya, le dirigeant musulman prend la jizya des juifs et des chrétiens. La jizya c'est quoi? C'est comme une sorte de punition économique que le juif ou le chrétien qui vit dans un pays musulman doit payer aux musulmans, aux dirigeants musulmans pour pouvoir garder, disons, le droit de vivre parmi les musulmans tout en restant sur sa fausse religion. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-jizya. Le Cheikh il dit donc que, comme on a expliqué, il doit prendre la jizya et il dit تُؤْخَذُ الْجِزْيَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُقَاتَلُونَ بَلْ يُقِرُّونَ أَوْ يُقَرُّونَ مَعَ بُغْضِهِمْ فِي اللَّهِ وَعَدَمِ مُوَالَاتِهِمْ. Cheikh il dit que tu dois prendre le dirigeant musulman va prendre de la jizya et ça c'est dans le cas où il n'entre pas dans l'islam et une fois qu'ils ont donné la jizya, on n'a pas le droit de les combattre. Ça c'est lorsque les musulmans ont la force et qu'ils sont capables de combattre, par exemple de faire le jihad fi sabilillah pour inviter, pour faire en sorte que, disons, la parole d'Allah soit la plus haute. Donc quand ils arrivent devant les mouchriquins et les kuffars, ils les invitent à l'islam en premier. Et si ces kuffars refusent l'islam, refusent d'accepter l'islam, alors dans ce cas-là, on doit leur demander de payer la jizya. Et c'est comme un genre de punition économique, un genre de un pourcentage, une taxe, hein, si on veut. Mais c'est pas une taxe, mais disons que, supposons que ça représente ce genre de choses-là, c'est une somme d'argent qu'un kafir doit payer pour vivre parmi les musulmans et continuer à suivre sa fausse religion. Et le cheikh, il dit que une fois qu'ils ont payé cette taxe-là, on n'a plus le droit de les combattre. On n'a plus le droit de les combattre. C'est-à-dire que c'est fini. Ils ont reconnu que les musulmans ont le pouvoir dans le pays et qu'on établit maintenant la da'wah de l'islam. Et toutefois, on doit toujours continuer à les détester à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à leur mécréance, mais et on ne doit pas également les prendre pour alliés, même s'ils payent la jizya. Okay? Après, le cheikh dit « fa'in abaw » فإن أبوا الإسلام والجزية قتلوا مع القدرة وهذا خاص بأهل الكتاب والمجوس. Le cheikh dit s'ils refusent l'islam et qu'ils payent la jizya, s'ils refusent l'islam et la jizya, là ils vont être combattus dans ce cas-là. S'ils refusent d'accepter l'islam, après on leur demande de payer la jizya, ils refusent de payer la jizya, et bien là dans ce cas-là ils doivent être combattus. De toute façon, peu importe qu'est-ce qui arrive, puisqu'ils ont ils n'ont pas accepté l'islam, ils n'ont pas accepté la jizya, ils doivent être combattus si les musulmans en sont capables, si les musulmans en sont ont la capacité. Et le cheikh il dit que ça c'est particulier particulier aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens et aux majus, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté de ces trois groupes-là de payer qu'il paye la jizya. Après le cheikh il dit wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma baqiyatul kuffar fala tuqbalu minhum al jizya bal yuqataluna hatta yadkhulu fil islam kal wathaniyin wa shi'iyin wa ghayrihim min asnaf al kafara ma'a al qudrati ala dhalik li qawli Allah subhanahu wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna al din kulluhu lillah. Le cheikh il dit, en ce qui concerne le reste des kuffars, alors pour eux, on n'a pas le droit d'accepter qu'ils paient la jizya. Payer la jizya, c'est seulement pour les trois groupes qu'on a mentionnés, les juifs, les chrétiens et les majus. En dehors de ces trois groupes-là, ils ne peuvent pas avoir cette option, on ne leur donne pas cette option de payer la jizya. C'est soit qu'ils deviennent musulmans ou bien qu'ils combattent les musulmans, un des deux. Les musulmans les combattent. Ils n'ont pas le troisième choix entre les deux de payer la jizya. Et donc, le cheikh dit dans ce cas-là, ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'islam. Comme par exemple les wathaniyin, ceux qui adorent les statues, les idoles, les communistes, et tous les autres groupes de kuffar. Ils doivent être combattus avec la. Si les musulmans ont la force, ils sont capables. Sinon, ben, ils sont excusés parce qu'ils sont incapables. Le qawlillahi ta'ala, donc, est à cause du verset, le verset 39 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa qatiluhum, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et dans ce verset-là, le mot fitna, les ulama ont expliqué que c'est le shirk. Donc, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion soit entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. Il mentionne un autre verset dans lequel il y a le fait de se lancer au combat, yani, pour les gens, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux musulmans de combattre les kuffars, eh ben, il y a le verset qui parle ici du djihad et de combattre les mushrikines avec nos biens et avec nos personnes, et que ça c'est meilleur pour nous, hein, Allah dit c'est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Et donc ça c'est des versets qui nous montrent l'importance de combattre et de lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il y a un autre verset que le cheikh a mentionné, وقوله سبحانه فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Donc le verset 41, tout à l'heure qu'on a lu, c'était le verset 41 dans sourate Tawbah, et celui-là c'est le verset 5 dans sourate Tawbah. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque les mois sacrés sont terminés, alors combattez les mushrikines et tuez-les là où vous les trouvez. Et ainsi de suite. Donc, et après Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si, il y a d'autres choses mentionnées, mais malheureusement j'ai pas la traduction pour traduire ça maintenant. Donc, le cheikh il dit, et s'ils se repentent, c'est-à-dire s'ils acceptent l'islam et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors laissez-leur le chemin libre et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. Et c'est important de comprendre au sujet du djihad ici que dans l'islam, le djihad c'est uniquement avec la permission du dirigeant que ça peut se faire. Puis, bien entendu, avec les conditions bien connues dans la charia à ce sujet-là. D'accord? Et non pas comme de comprendre, comme certaines personnes parmi les kuffars s'imaginent, que l'islam permet aux musulmans de tuer les non-musulmans n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ça c'est fausse compréhension de comprendre de cette façon-là. Il y a des conditions, puis il y a des règles à suivre. Et c'est pas n'importe qui décide qui et quand et comment ça se passe. C'est le dirigeant des musulmans qui décide ces choses-là. Et c'est derrière lui que les musulmans ont le droit de combattre et sous son commandement. Et non pas de façon, comme des petits groupes qui s'organisent puis qui décident de faire des attentats terroristes ou des trucs comme ça. On a expliqué ça souvent, là, c'est juste pour expliquer que, pour répondre à ceux-là qui essaient de mettre des doutes au sujet de l'islam, puis essayer d'accuser l'islam de choses qui sont contraires même à la religion. Donc, même s'il y a des vrais, c'est vrai qu'il y a des versets dans le Coran qui incitent et qui appellent au combat et à la lutte et au fait de tuer les koufars et les mouchikins, mais ça c'est dans un contexte de djihad, de guerre, et c'est le dirigeant musulman qui prend ces décisions-là, c'est-à-dire qui décide quand est-ce qu'on combat et qui doit être combattu, et les conditions de la charia à ce sujet-là sont très claires, et que les innocents n'ont pas à être tués ou exécutés, c'est uniquement les kuffars qui participent au combat qui doivent être combattus, non pas les femmes, les enfants, les vieillards, et ainsi de suite, et respecter toutes les règles qui sont mentionnées à ce sujet-là dans les chapitres du djihad. D'accord? Mais bon, ça c'est un point qu'on doit mentionner parce que souvent, il y a des ambiguïtés actuellement à ce sujet-là dans le monde musulman et même dans le monde non musulman où il y a des confusions parfois chez certains. Et donc, il faut souvent, malheureusement, on est obligé de clarifier ça à chaque fois parce que sinon, il y a des gens qui cherchent ce verset-là dans le Coran et puis ils les mentionnent comme si pour essayer de montrer que l'islam cautionne le terrorisme, des trucs comme ça, alors que ces versets-là, ils n'appellent pas au terrorisme, mais ils appellent plutôt au djihad et aux règles du djihad telles qu'ils sont expliquées dans l'islam. Et il ne faut pas mélanger les deux. Donc ça, c'est important. Après, le cheikh dit « وَمُرَادُهُ سُبْحَانَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Le cheikh dit qu'il y a beaucoup de versets qui parlent du djihad dans le Coran. Ça, c'est très nombreux. Puis il y a plein de hadiths aussi. Donc, ça, on va y revenir de toute façon plus loin. Inch'Allah, il y a un point où le cheikh parle de ça plus en détail. Le cheikh, il dit que quand on dit que les musulmans doivent combattre les mouchriquins et les koufars, soit leur faire payer la jizya ou les combattre s'ils refusent, s'ils sont des gens du livre, ou bien soit les appeler à l'islam ou les combattre s'ils refusent l'islam, s'ils ne sont pas des gens du livre ou des majus. Ça c'est avec la capacité. Si les musulmans sont faibles, ils ne peuvent pas appliquer ces règles-là. C'est uniquement pour les musulmans lorsque les musulmans ont une situation de force dans le monde et qu'ils sont capables de faire le djihad, là ça s'applique. Mais sinon ça ne s'applique pas. Et la preuve de ça, c'est le verset 286 dans Al-Baqarah, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne met pas sur une personne ce qu'elle ne peut pas porter. On ne met pas sur une personne une charge qu'elle ne peut pas porter. Et il mentionne le verset 16 dans Surat At-Taghabun dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et craignez Allah comme vous le pouvez, ou mastata'atum, autant que vous en êtes capable. » Après il dit « Wa li'annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yuqatil mushrikin hatta qawiya ala dhalik » Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas combattu les mushrikin excepté qu'après avoir eu la force de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pas ordonné de combattre, excepté lorsque il a eu la force suffisante pour être capable de le faire. Contrairement à certains individus aujourd'hui qui s'imaginent qu'ils peuvent faire le djihad même s'ils ne sont pas capables de le faire ou ils n'ont pas la force, et que ce serait acceptable, ou que si les musulmans abandonnent le djihad ou ne font pas le djihad alors parce qu'ils sont faibles, qu'ils sont dans le péché pour ça. Et ça c'est une mauvaise compréhension, parce que si tu n'es pas capable de faire quelque chose et que tu le laisses parce que tu n'es pas capable de le faire, ben c'est pas un péché dans ce cas-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas demandé de faire quelque chose si tu n'es pas capable. Il te demande uniquement de le faire si tu es capable de le faire. Et donc ça c'est très important. Puis après il dit wa qala ta'ala fi akhir al-ayah ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ay qawwahum bi quwwatin minhu. Le verset dit à la fin, le verset 22 dans Al-Mujadala, ça dit et Allah a écrit la foi dans leur cœur et les a supportés d'une force venant de lui. C'est ça ce que le cheikh il dit, que ruhin minhu, ça veut dire une force venant de lui. Et le cheikh dit wa qala rahimahullah, donc cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il dit par la suite, ok on a lu ça, donc il dit i'lam arshadaka Allah li ta'atihi, sache que Allah t'oriente vers son obéissance. Là le cheikh dit qala rahimahullah i'lam أرشدك الله لطاعته أي جمع رحمه الله بين التعلم والدعاء بين التعليم والدعاء. ذيك الشيخ محمد بن وهاب réuni deux choses, la mise يعني l'enseignement et le dua, en disant ça parce qu'il enseigne aux gens et en même temps il fait les dua pour eux, donc c'est quelque chose de bien, يعني. Il les appelle au bien et il fait les dua pour eux en même temps. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. دونك لشيخ الزين ك يعني il dit que al-hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. Il dit que al-hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et il explique ce point-là. Et il dit que ça consiste à adorer Allah lui seul en lui voyant une religion sincèrement pour lui et purement pour lui. Donc en l'adorant lui seul. Et c'est ça ce que Allah a ordonné à tous les hommes. Et c'est pour ça qu'il les a créés. Et il dit dans le verset 56 dans Az-Zariyat, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et quand Allah il dit qu'il m'adore, ça veut dire qu'il unifie mon adoration. C'est-à-dire qu'il m'unifie dans leur adoration, c'est-à-dire qu'il n'adore personne d'autre que moi. Et ça c'est le passage qu'on va expliquer. Le cheikh il explique à propos de Al-Hanifiya, Millat Ibrahim, c'est-à-dire que la religion d'Abraham c'est Al-Hanifiya. Et bien il explique un peu, il dit que Al-Hanifiya, أن الحنيفية ملة إبراهيم يزي وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين وهي التي قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. الشيخ ذكر الحنيفية c'est la religion d'Abraham. Ça consiste à adorer Allah seul comme on l'a dit. Et c'est cette religion-là au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète. Puis ensuite nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham qui était un hanif. Et Al-Hanifiya donc c'est la religion que tout le monde doit suivre, c'est la religion d'Abraham. Et c'est quoi la religion d'Abraham? C'est-à-dire s'écarter de l'idolâtrie, s'écarter du shirk, s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes. Hein? Et donc le cheikh il dit c'est ça, il dit c'est la pureté dans l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de le prendre pour allié, de prendre Allah subhanahu wa ta'ala pour notre allié. Et d'abandonner le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه وهكذا الأنبياء وأتباعهم. Le cheikh dit que Al-Hanif, la personne qu'on décrit comme étant Hanif, c'est la personne qui s'est tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est détournée de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y avait un culte exclusif et pur, qui adorait Allah purement et simplement, c'est-à-dire lui seul, et rien d'autre que lui. Et donc, ça c'est la religion d'Abraham et de ceux qui l'ont suivi, et la religion de tous les prophètes également, et de tous ceux qui ont suivi les prophètes. D'accord. Donc ensuite le cheikh il dit, wa khalaqahum laha, et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour cette adoration-là. Hein, ça c'est important aussi à comprendre. Donc, le cheikh il dit qu'il nous a créés pour cette adoration-là. Naam, wa khalaqahum laha. C'est-à-dire, Allah les a créés pour cette adoration-là. Hein, le cheikh il met un point à ce sujet-là. Il dit, qala, wa bidhalika amara Allahu jami' al-nas wa khalaqahum laha. فأمرهم بالتوحيد والإخلاص وخلقهم ليعبدوه وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك من أنواع العبادة كله لله قال تعالى كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال إياك نعبد وإياك نستعين وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الشيخ dit qu'il leur a ordonné donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par son tawhid et d'avoir l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a créés pour يعني que ces créatures l'adorent. Il a créé ces créatures-là pour que ces créatures-là l'adorent lui. Et يعني il leur a ordonné également d'adorer Allah lui seul dans leurs prières, dans leurs salats, dans leurs jeûnes, dans leurs doigts, dans leurs invocations, dans leurs craintes, dans leurs espoirs, dans leurs sacrifices, dans leurs serments, dans leurs vœux, toutes ces choses-là, dans toutes ces choses-là. Donc tout ça, toutes ces choses-là sont des formes d'adoration, et il faut donc unifier et adorer Allah seul. Dans ces choses-là, il faut adorer Allah seul, et dans toutes les autres formes d'adoration. Le cheikh dit, tout ça c'est pour Allah seul, et il mentionne des versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore une fois dans le verset 22 sur la Al-Isra, et Allah a ordonné d'adorer lui seul, de n'adorer que lui. Et le verset 5 dans sur la Al-Fatiha, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide. Et le verset 2 dans sur la Al-Zumar, et adore Allah, et adore Allah en mukhlisan lahu ddin, c'est-à-dire en lui purifiant ta religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi le verset 21 dans surat al-Baqarah, et adore ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Donc tout ça c'est des versets qui incitent à l'adoration de Dieu seul. Wa hadhihi al-ibada allati khuliqa laha an-nas aw khalaqa laha an-nas khalaqa laha ath-thaqalan wa hiya tawhid توحيد الله وطاعة أمره وهي طاعة توحيد الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. للشيخ يزي ك cette adoration là pour laquelle il a créé les hommes, il a créé aussi الثقلان. الثقلان c'est quoi? C'est les djinns et les êtres humains. Donc c'est quoi cette adoration là? C'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à ses ordres et le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يوحدونني يوحدوني في العبادة ويخصوني بها بفعل الأوامر وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, pour qu'on l'adore, et c'est-à-dire qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration et qu'ils vouent leur culte uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, leur adoration juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en faisant les ordres et en s'écartant des interdictions. Et il y a beaucoup d'autres versets autres que ces versets-là. Et on constate en lisant ça que le cheikh il répète souvent cette affaire, il répète souvent ces choses-là. Et le but pour lequel il répète, la raison pour laquelle il répète ces choses-là constamment, c'est pour que ça reste fermement ancré dans nos cœurs et dans nos esprits. Le fait de répéter, eh bien ça s'enregistre dans nos esprits et dans nos cœurs, et puis ça reste par la suite plus ferme en nous. Donc c'est ça l'avantage et le bienfait de la répétition dans ces choses-là. Le cheikh ensuite il dit, وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد العبادة لله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. للشيخ الزي دس التعساج له شيخ محمد بن عبد الوهاب الذكر. La plus grande parmi tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire de rendre notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande interdiction que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, c'est le contraire de ça, c'est le shirk. Donc, d'invoquer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le plus grand péché et la plus grande interdiction dans l'islam. Et la preuve de ça, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 36 dans surat al-Nisa, et adore Allah et ne lui associe rien. Ok, donc sur ce passage là le cheikh il donne deux points. Cheikh Abdelaziz ibn Baz il donne deux points et des commentaires à deux points dans ce sujet là. Le premier point c'est au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande chose qu'il a ordonné, c'est le tawhid. Il dit, وهو إفراد الله بالعبادة فتقصده بالعبادة دون كل من سواه فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك. Le cheikh il explique que ça signifie cette chose-là, la plus grande ordre d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. Ça signifie d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de rendre notre culte uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc et le chef dit « fataqsuduhu bil ibada duna man siwa », c'est-à-dire quand tu fais ton adoration, ton intention dans cette adoration-là est uniquement dans le but de, ou dans le fait de vouloir plaire à Allah seul et de te diriger uniquement dans, avec ton cœur, dans le sens que tu diriges uniquement ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala dans tes intentions et dans ton cœur et dans, disons, dans ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et de diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala seulement et non pas vers une autre chose en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire autre chose que Allah. Le cheikh il dit donc que tu ne dois pas adorer avec Allah aucune chose, ni une idole, ni un prophète, ni un ange, ni une pierre, ni un djinn ou autre chose. Et il mentionne par la suite un autre commentaire au sujet de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de plus grand, c'est-à-dire le shirk. C'est ça la plus grande interdiction dans l'islam, c'est le shirk, c'est le plus grand péché. Et donc il mentionne à ce sujet-là, وقد قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وقيل ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك. Le cheikh il dit ici que يعني Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande chose qu'il a interdit c'est le shirk, et il dit la preuve de ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 88 dans surat al-An'am, et nous avons et par la suite si les prophètes que Allah avait mentionné dans ce verset-là, et le verset avant ça, avait fait le shirk, Allah aurait annulé ou vendu vaines toutes leurs œuvres. Et il mentionne le verset 65 dans surat al-Zumar, et yani, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, il a été révélé à toi, et ainsi qu'à ceux qui étaient venus avant toi, parmi les prophètes, que si tu fais le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la narration, et bien tes œuvres seront vaines, et tu seras certes parmi les perdants. Et il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un hadith authentique, donc qui, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du plus grand péché. On lui a demandé quel est le plus grand péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est-à-dire que tu mets un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration alors qu'il est ton créateur. Tu mets un ego avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton créateur. Et on lui a demandé par la suite, et lequel des péchés est plus grand par la suite? Il a dit, ensuite, c'est de tuer ton fils parce que tu as peur qu'il mange avec toi. De tuer ton fils parce que tu as peur qu'il se nourrisse avec toi parce que tu crées la pauvreté. Et ensuite, lequel, il dit, c'est que tu fasses le zina. En troisième catégorie, c'est que quelqu'un qui fait le zina avec l'épouse de son voisin, ça c'est un des plus grands péchés également. Fabayyana sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié anna shirk a'zam adh-dhunub wa ashaddaha wa akhtariha. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié que le plus grand péché c'est le shirk, et que c'était le plus sévère et le plus dangereux d'entre tous les péchés. Ok. Et dans le hadith, dans un autre hadith, وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله. الحديث متفق عليه. Dans un autre hadith que le prophète a dit, ce hadith aussi est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ça dit, le prophète a dit, voulez-vous que je vous informe du plus grand parmi tous les grands péchés? Et les sahabas ont dit, certes, oui, messager d'Allah, on veut savoir. Et le prophète a répondu, al-ishraq billah, c'est-à-dire de faire le shirk avec Allah. Ensuite, le cheikh il dit, fat-tawhid هو إفراد الله بالعبادة والشرك هو دعوة غير الله مع الله تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تسبح له أو تنظر له أو غير ذلك من أنواع العبادة. والشيخ donc il dit ici que le tawhid c'est de rendre ton adoration uniquement pour Allah seul, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Et il dit que le shirk c'est d'invoquer donc avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, d'invoquer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste une catégorie parmi les formes de shirk, mais c'est pas tout le shirk, bien entendu. Et c'est une sorte ou une catégorie de shirk parmi d'autres. Et le shirk, il dit que, il donne des exemples de ça. Il donne des exemples. Il dit par exemple d'invoquer autre que Allah, ou de craindre autre que Allah, ou d'espérer, d'avoir l'espoir en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de faire un vœu, un nadr pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien d'autres choses de ce genre parmi les formes d'adoration. Tout ça c'est des formes de shirk majeures. Bien entendu, il y a certaines catégories dans ces adorations-là, si tu les offres à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des détails à rajouter à ce sujet-là. Parfois ça peut être shirk akbar, parfois ça peut être shirk asghar. Mais le shaykh il dit هذا الشرك الأكبر سواء كان المدعو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. Il y en a certaines catégories qui ne sont que shirk akbar, comme quand quelqu'un invoque d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une forme de shirk majeur. Mais toutefois la crainte, il y a des différences dans les degrés de crainte, ça on va y revenir quand on va parler et qu'on va énumérer les différentes catégories d'adoration. On va expliquer les détails à ce sujet-là, Inch'Allah, pour expliquer quand est-ce que c'est shirk majeur, quand est-ce que c'est shirk mineur. Là, le shirk ici, il dit en général, c'est le shirk majeur, il dit peu importe que l'être invoqué soit un prophète, ou un djinn, ou un arbre, ou une pierre, ou autre. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال وفي شيئا نكرا في سياق النهي فتعم كل شيء. Donc le shaykh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et adorer Allah et n'associer rien avec lui. Le terme ici rien, c'est comme il dit, c'est une négation dans le contexte d'une interdiction. C'est dit dans le sens de l'interdiction. Et donc dans des cas pareils, on dit que ça englobe toute chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. C'est-à-dire peu importe, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit une chose, il y a tout rentre dans le terme shay'a. On a touché le kubihi shay'a. Et donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, sans exception, rentre dans cette description-là. Et وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voyant une religion pure, en lui voyant un culte pur. Et ça c'est le verset 5 dans sourate Al-Bayyinah. Et il mentionne ensuite, il dit فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله كما تقدم. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الشيخ dit donc le plus grand, encore une fois il répète, il dit que le plus grand commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le tawhid, et le plus grand péché ou la première chose qu'il a interdit c'est le shirk. Et le tawhid c'est d'adorer Allah seul, de vouer à Allah un culte ou une adoration pure, et de ne rien associer avec lui dans l'adoration. Et quand on dit que c'est le premier ordre, et bien c'est le premier ordre dans l'enseignement de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous tournez dans l'Ancien Testament des chrétiens dans la Bible, eh bien, le premier commandement c'est toujours l'adoration d'un Dieu unique. Et ça, c'est étonnant quand on lit ça dans le livre des chrétiens et des juifs, qu'ils disent que le premier commandement c'est l'adoration de Dieu seul, alors qu'ils l'associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils contredisent même le premier de tous les commandements. Donc le Cheikh il dit, on a lu ça, après le Cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ça dans plusieurs versets dans le Coran, du fait que on doit ordonner le tawhid et interdire le shirk, ça c'est mentionné dans plein de versets. Ensuite, ça termine ce point-là, ou cette partie-là, par les paroles du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit « فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتَهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ معرفة العبد رب معرفة العبد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un, ou si on te demande quels sont ces trois fondements de la religion, eh ben, ces trois fondements qui sont obligatoires pour un être humain ou pour une personne de connaître, ces trois fondements-là, c'est quoi? Eh ben, répond dans ce cas-là, de connaître ton créateur, le serviteur doit connaître son créateur, son maître, son rab, il doit également connaître en deuxième lieu sa religion, et en troisième il doit connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les trois fondements, al-usul al-salafa, c'est ça, c'est de connaître ton rab, son seigneur, deuxièmement connaître ta religion, et troisièmement, connaître ton prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh dit, « وَهَذِي الْوَسُولُ الثَّلَافَةَ تَجْمَعُ الدِّينِ كُلَّهِ يعني من ربك ما دينك وما نبيك وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. » Donc le Cheikh dit que ces trois fondements-là, elles réunissent tout ce qui a rapport avec la religion. Le Cheikh il dit que quand on te demande, le fait qu'on te demande qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, et bien c'est exactement ces questions-là que nous serons, au sujet desquelles nous serons questionnés dans notre tombe. Ça c'est les deux anges qui vont venir dans notre tombe, Munkar et Nakir, et qui posent à chaque être humain ces questions-là au sujet de la religion. Qui est ton Dieu, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite, donc on commence maintenant al-usul al-thalatha avec al-asl al-awwal, le premier fondement, ma'rifatul abd rabbah. Fa idha qila laka man rabbuk faqul rabbi Allah alladhi rabbani وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Le Cheikh il dit, et si on te demande qui est ton Seigneur, alors dis, mon Seigneur c'est celui qui m'a, Rabbani. Quand on dit Rabbani, le terme Rabba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a créé, qu'il t'a donné ta subsistance, qu'il t'a fait vivre, qu'il c'est lui qui contrôle tout, qu'est-ce qui a rapport avec ton existence, et qui a rapport avec, qui contrôle tout ce qui est dans l'univers, et également ça signifie qu'il te fait croître, il te fait te développer, c'est lui qui te fait évoluer, donc tout ce qui t'arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle, ok, c'est ça que ça veut dire, donc c'est lui mon Rab, c'est ça que ça veut dire, et il est le Rab de tout l'univers, et il a rempli tout l'univers de sa grâce, tout ce qui vit, il vit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit wa huwa ma'bud, il est sali ma'budun siwa, et c'est lui que j'adore, c'est lui l'objet de toute mon adoration, et je n'ai rien d'autre en dehors de lui que j'adore, je n'adore que lui. Après il dit wa dalil, والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى طرف de ça c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى on dit dans sourate الفاتحة et louange à Allah, le Seigneur du monde. Donc, on l'a expliqué. Et maintenant, on va lire les petits commentaires du Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. Le Cheikh dit « فَإِذَا سَأَلَ سَأَلٌ فَقُلْ مَنْ رَبُّكَ » C'est-à-dire, quand le Cheikh Mohammed Abu Wahhab dit « Et si on te demande, c'est ça que ça veut dire. Si on te demande. » Parce que la façon dont c'est écrit ici, « فَإِذَا قِيلَ لَكَ » Si on te dit, mais le Cheikh dit en fait c'est « si on te demande », c'est ça que ça veut dire, c'est la même chose. Ensuite, il y a un autre commentaire. En fait, c'est ça. Oui. Fakul, ok. La réponse. Et la réponse à ce sujet-là, juste un instant. Fakul Rabbi Allah. Fakul Rabbi Allah. Donc, la première note, le premier point, on l'a mentionné. Le deuxième point que le Cheikh mentionne à ce sujet-là, c'est Fakul. Donc, dans la réponse que tu dois dire à cette question-là, qui est ton Rab, qui est ton maître, qui est ton créateur, qui est ton Seigneur, tu réponds, le Cheikh il donne un point à ce, il répond un point à ce sujet-là, il dit, mon maître, mon Rab, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé, qui m'a fait croître, qui m'a fait me développer, et qui a créé, qui contrôle tout l'univers, et qui remplit, et qui a tout créé ça, et tout ça c'est par sa grâce. Il répond exactement la même chose, il répète exactement ce que Cheikh Mohammed Abu Wahhab a dit à ce sujet-là, et il reprend le texte. Après, il dit Wal'alamun, et les mondes, Jami'a al-makhlouqat, kulluhum, alamun, al-jinn, wal-ins, wal-baha'im, wal-jibal. Je ne sais pas pourquoi le Cheikh il mentionne ça maintenant, puisque le Cheikh Mohammed Abdou Wahhab, il le répète un peu plus loin. Peut-être qu'il précède en fait le Cheikh à propos de ce sujet-là pour le clarifier tout de suite, comme ça ce sera déjà expliqué pour tout à l'heure. Donc le mot alam, c'est les mondes, ok, tout ce qui existe, on appelle alam. Donc tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, on l'appelle alam, c'est-à-dire un monde. Et le pluriel de alam, c'est alamin, alamin ou alamun. Et c'est toutes les créatures qu'Allah a créées. Que ce soit les djinns, les hommes, les êtres humains, les montagnes, les insectes, n'importe quoi. Tout ça, c'est des mondes qui existent. Et Allah, il est le maître de tous ces mondes-là. Wa qala ta'ala, inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc le Cheikh il mentionne ensuite le verset 54 dans Surat Al-A'raf, et ce verset là ça dit que votre Seigneur, Allah il dit votre Seigneur et Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis qui s'est élevé au-dessus du trône, il a monté au-dessus du trône. Il couvre le jour par la nuit, et ils se suivent rapidement l'un les autres. Tu vois tout de suite, quand le jour termine, la nuit commence. Et وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, et il a également créé le soleil, et la lune et les étoiles, elles sont toutes soumises et assujetties à son commandement, à son ordre. Et ala lahul khalq wal amr, à lui appartient la création et l'ordre. Et que soit béni Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ok. Donc, fahuwa rabbul jami'. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître et le créateur de tout. Lahul khalq wa lahul amr. وهو المستحق أن يعبد. À lui appartient la création et à lui appartient l'ordre et le commandement, et il est celui qui mérite d'être adoré. ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. C'est pour ça que Allah il dit oh vous les hommes adorez votre créateur. وهو معبود ليس معبود سواه. Et c'est moi, c'est celui que j'adore, l'objet de toute mon adoration, et je n'ai rien en dehors de lui que j'adore. والدليل et la preuve à ce sujet-là, comme on a dit tout à l'heure, c'est le verset الحمد لله رب العالمين. الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. La preuve que de tout ce qu'on a mentionné là, c'est le verset louange à Allah, le Seigneur des mondes. Quand on dit Alhamdulillah, ça veut dire toute la louange appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, en principe, toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit du bien d'une personne parce qu'elle nous a fait du bien, quand on la remercie, eh bien, en réalité, c'est en fait parce que cette miséricorde, ce bien que cette personne nous a fait, par exemple, eh bien, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie du bien qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, même si quelqu'un nous a fait du bien, le remerciement, alhamd, revient quand même à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui nous a permis de faire ce, c'est lui qui a fait en sorte que cette personne-là nous fasse du bien. Et cette personne-là, elle a été elle-même créée par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc le bien revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Alhamdulillah Rabbil Alameen, يعني السنة كله لله والعبادة من السنة ومن الحمد. Ok? Donc, السنة, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le terme de faire le terme c'était quoi exactement? As-sana, faire des éloges, hein? Faire des éloges à quelqu'un. Donc ici c'est ce qu'on dit. On dit toute la louange, toutes les éloges, tout le bien, la mention du bien revient toute à Allah subhanahu wa ta'ala. Et wal-ibada min as-sana wa min al-hamd. Et de faire de l'adoration, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la louange. Ça fait partie également de faire des éloges et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Quand on adore Allah, c'est comme si on le glorifie. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on lui fait des éloges et on le glorifie, on le mentionne, et on lui fait, et on lui remet qu'est-ce qui lui appartient en fait de l'adoration et de la glorification. Donc, dans ce sens-là. Après, le cheikh, il dit, وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمْ. Et tout ce qui existe en dehors d'Allah est un monde, hein, est le monde. وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. Et je suis un des mondes, yani, qui compose ce monde-là, ou cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a créé. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Le chef, il dit, et si on pose la question, par quoi connais-tu ton créateur, ou ton maître, ton seigneur? Alors réponds à cette question-là en disant, je le reconnais, ou je le connais par ses signes, et par ses créatures, et je le reconnais également par ses signes comme la nuit et le jour, le soleil et la lune, hein, et par toutes ses créatures, hein, comme les sept cieux, et les sept terres, et tout ce qui est entre elles, et tout ce qui existe entre elles. Donc le cheikh il dit, pour expliquer le premier point, quand le cheikh il dit « وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمٍ » c'est-à-dire tout ce qui existe en dehors d'Allah et fait partie de ce monde, c'est-à-dire « وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْحَيَوَانِ وَالْجِبَالِ كُلُّهَا عَوَالِمٌ » Donc toutes les créatures sont des catégories qui composent ce monde que Allah a créé subhanahu wa ta'ala. Donc il y a le monde des insectes, le monde des hommes, le monde des djinns, hein, le monde des animaux, chacun a une monde, c'est toutes des catégories de monde, et nous, ben, on fait partie de ces mondes-là que Allah a créé. Et le cheikh il dit par la suite, comme deuxième point, au sujet de la suite, وأنا واحد من هذا العالم، أنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده وأوجب عليه طاعته. فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا، وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده. ولهذا قال تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى لا يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Donc le cheikh ici il dit et moi je suis un des éléments qui composent ce monde que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Hein? Donc Allah a créé ce monde, il l'a créé à partir du néant, hein? Et il a ordonné aux créatures de l'ordonner. Il a ordonné aux créatures de l'obéir, pardon. Il a ordonné aux créatures de l'obéir. Donc toutes les créatures qui composent les mondes, qui sont parmi les êtres responsables, qu'on dit Mukallafoun, que ce soit les hommes et les djinns, ils ont tous le devoir et l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son messager et de l'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que les anges, ils ont eux aussi l'obligation d'adorer Allah lui seul. Et il mentionne les preuves que les anges eux aussi adorent Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le verset 6 de la sourate Tahrim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, et ils font ce qu'ils sont commandés de faire. Donc les anges ils n'ont pas de choix comme les êtres humains par exemple, ils n'ont pas le choix de dire je vais obéir ou non. Oui, donc les anges ils sont créés d'une façon qu'ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont obligés de respecter et d'obéir à ses ordres, contrairement à l'être humain et aux djinns aussi. Et il mentionne ensuite le verset 27 et 28 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit les anges en disant qu'ils ne peuvent pas le précéder d'une parole. Hein, ils ne peuvent pas le précéder d'une parole, et ils n'agissent que selon son commandement. Les anges n'agissent que selon le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux, hein, et ils ne peuvent intercéder que pour celui qu'Allah a agréé, et ils sont remplis d'une crainte d'Allah, c'est-à-dire de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la description au sujet des anges, c'est pas comme nous les êtres humains nous on a le choix, Allah nous a donné le choix d'obéir ou de désobéir, la capacité et la volonté, tandis que les anges non, ils sont obligés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que Allah décrit les anges de cette façon-là. Et ça c'est un parmi les mondes qu'Allah a créé, le monde des anges. Non. Donc oui, ça aussi c'est une preuve par rapport au fait que le shaitan c'est pas un ange, contrairement à ce que certains chrétiens s'imaginent, ou les juifs aussi, que il y a des anges chutés, ou qu'il y a des anges qui sont tombés et qui ont désobéi à Allah, ça c'est des mensonges, ou bien c'est des erreurs. En réalité, le djinn qui a été le shaitan, c'est Iblis. C'est un djinn, c'est pas un ange, c'est pas un ange, c'est un djinn. Il fait partie d'un autre monde, différent de celui des anges. Il fait partie du monde des djinns. Et les djinns sont créés de feu, contrairement aux êtres humains qui sont créés de terre, et contrairement aux anges qui sont créés de lumière. Et les djinns, ben Iblis lui faisait partie des djinns, c'était un djinn. Mais au moment où Dieu a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, eh ben lui il était en leur présence, il était parmi eux. Et c'est pour ça qu'il a été ordonné de se prosterner devant Adam avec eux, et lui il a refusé, il s'est rempli d'orgueil, et donc à cause de ça il a été maudit, et il a été écarté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça qu'il, c'est comme ça qu'il est devenu le diable, qu'il est devenu le shaytan, parce qu'il a refusé de, il s'est écarté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'est enflé d'orgueil. Donc ça c'est pour clarifier le fait que, pour clarifier que le shaytan c'est pas un ange, c'est pas un ange qui est tombé, c'est un djinn. Et il y a aussi une preuve dans le Coran même claire à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. C'est le verset dans sourate Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et lorsqu'on a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, alors ils se sont prosternés, excepté Iblis qui faisait partie des djinns. Et il s'est opposé au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la preuve claire que Shaitan, il n'est pas un ange, mais il n'était pas un ange, mais il était un djinn. Et où est-ce qu'on est rendu? Là, il y a le troisième point, ou le troisième commentaire qui a été donné à ce sujet-là, au sujet du fait « فَإِذَا قِيلَ لَكَ » et si on te disait, فإذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده. C'est ça. Donc le cheikh il réitère, ou il reformule la question qui a été écrite par le cheikh Mohammed Abdul Wahhab. C'est-à-dire, et si on te demandait à toi, ô musulman, comment as-tu créé, comment as-tu connu ce Dieu ou ce Créateur qui t'a ordonné de l'adorer et que tu adores. Comment l'as-tu connu? Ça c'est comment il reformule la question. En fait, c'est la même signification, mais juste dit d'une autre façon. Il dit, فَقُلْ بِآيَاتِ. Donc, c'est-à-dire, ça c'est un autre point aussi, le quatrième point qui est mentionné à ce sujet-là, dans cette page. Parce que comment ça fonctionne, en fait, le charf de ce livre, c'est que le cheikh, il mentionne en haut le texte de Al-Usul al-Thalatha, et à chaque point où le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a fait des commentaires, il met un petit chiffre pour mentionner que à ce sujet-là, il y a un commentaire du cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, chaque fois qu'on trouve un petit chiffre comme ça, eh bien, on regarde par en bas et on va trouver le commentaire qui a été fait à ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je mentionne combien de points il y a dans la page au sujet de la citation que j'ai mentionnée du cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et donc, nous, maintenant, on va s'arrêter ici, puis on continuera ça, بإذن الله, demain matin, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.